puis là, on veut nous mettre au pied du mur en disant que c'est notre dernière chance pour la survie de Ben oui, ben l'humanité. c'est tout le temps ça qui est dit depuis 25 ans. Tant qu'à moi, là. Je veux dire, quand j'étais petit, il disait qu'il y aurait la moitié de la population qui serait mort, là, quasiment, là, rendu maintenant, là, quand il parlait le trou dans la couche d'ozone. On nous montrait des affaires à la télévision, des publicités où les gens étaient obligés de se protéger du soleil puis vivre dans des structures comme dans des films de science-fiction. On nous montrait des gens qui mettaient des 25 sous dans des espèces de boîtes téléphoniques, que c'était un arbre pour prendre un masque puis respirer. Ça, je m'en souviens très bien de ces affaires-là. Oui, moi aussi, Puis, j'avais vu ça. ben oui, c'est sûr, ça marque, hein. Mais moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que le but, c'était de nous faire peur, c'est de faire peur au monde. C'est tout. Moi, je le vois de même, c'est par la peur que tu gouvernes puis que tu mènes le OK, monde. mais je vais t'amener Là, sur ils un... savent qu'il va y en avoir des changements climatiques, même qu'on fasse rien ou qu'on fasse de quoi, il va en avoir pareil. Non, non, c'est sûr que dans le passé, il y a eu des ères glaciaires, puis justement, le dioxyde a déjà été plus élevé, ça a fluctué sans qu'il y ait une activité humaine industrielle comme les 150 dernières années. Ça, je suis d'accord avec toi.